Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de golf. On est très heureux de revoir cette année la chronique du club de golf de Dolbeau. Demain, on va commencer celle de Chibougamau et incessamment, on va commencer celle de Saint-Prime avec notre ami Junior Junot. Mais là, on va commencer avec le club de golf de Dolbeau avec Sébastien Marceau, qui est le professionnel du club de golf de Dolbeau. Salut Sébastien. Bonjour. Sébastien, évidemment, c'est-tu la première année que tu es professionnel au club de golf? Je suis pas professionnel, je suis capitaine. C'est moi qui s'occupe de la capitainerie au club de golf. OK. Donc, t'es capitaine au club de golf. Dis-moi, si on parlait un peu de cette année, à quoi ça va ressembler le club de golf de Dolbeau? Est-ce que le nombre de membres, est-ce qu'on a monté du côté du club de golf? Pour l'instant, l'achalandage est très bon. On a une très bonne achalandage. On a mis beaucoup d'emphase sur le Facebook. Donc, les gens ont commencé beaucoup à venir frapper des balles. C'est sûr que c'est un début de saison. C'est long avec la température soit bonne, mais on est capable d'avoir un peu d'achalandage. On a eu des bonnes journées la semaine passée. Il a fait beau. Cette semaine, regarde, aujourd'hui, là, c'est une bonne journée. Il a fait beau. Mais c'est la température qui va amener beaucoup de monde au club. Ça fait foi de tout, en fait, Sébastien, hein? Oui. Effectivement. Dis-moi, du côté des membres, ça ressemble à quoi? Les anciens membres sont toujours là. Il y a plusieurs, je pense que jusqu'à date, on avait 12 à 15 nouveaux qui voulaient rentrer. OK, c'est bon ça. Avec la promotion, la plus grosse promotion, c'est quand ça fait 10 ans que tu n'as pas été membre, tu reviens au club, c'est juste 375$ pour rentrer membre. Fait que les gens peuvent s'adapter à ce prix-là. OK. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment... C'est la première année que vous faites cette promotion-là? Non, on le faisait toujours, mais on peut dire qu'on n'était pas bien populaire dans les Facebook et tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de promotions. Cette année, on met l'emphase beaucoup sur les promotions. Fait qu'on a fait un entrevue à la radio le vendredi passé. Là, je te parle présentement. Donc, on va peut-être amener plus de monde à opter dans cette promotion-là. OK. Dis-moi si on parlait un peu aussi à quoi ça va ressembler l'année. Je sais qu'il y a eu un lac à l'épaule. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année au club de golf de Dolbeau, MCC? Les plus grosses nouveautés qu'on va avoir, c'est pour les seniors 65 ans et plus. Je vais avoir cette année des nouveaux jalons pour eux autres. Okay. Ils joueront pas, parce que l'année passée, ils jouaient beaucoup sur ceux-là des femmes, les jalons rouges. Cette année, je leur fais des propres jalons pour eux autres. Puis, j'ai la plus grosse nouveauté qu'on a avec Saint-Prime aussi. On va avoir un championnat de club conjoint. Ah, OK. La première journée va être à Saint-Prime, la deuxième journée va être à Dolbeau. On va avoir un champion de Dolbeau, un champion de Saint-Prime et un champion de Dolbeau-Saint-Prime. Ça va être comme ça. OK, mais ça se faisait ça auparavant, ça? Non, c'est le Dolbeau-Saint-Prime qu'on faisait à chaque année. C'est dans la fin de semaine du 24 juin. C'est un cadre de meilleure balle qu'on faisait. OK. Là, on a fait individuel pour qu'on fasse un championnat de club individuel. OK. Est-ce qu'il va y avoir encore le tournoi le tournoi bénéfice, sûrement? Le tournoi bénéfice, oui. Il est le 18 juillet. OK. On est toujours à la recherche d'un président d'honneur. Ça va bon train, on cherche, mais c'est pas facile non plus à trouver. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres promotions également qui vont être annoncées tout au long de l'année? Est-ce que là, du côté des jeunes, parce que là, tu m'as parlé d'une promotion, ça fait 10 ans, mais est-ce que du côté des jeunes, on est agressif pour développer, parce que c'est la relève, en fait. Hein? Oui, la relève est là. On a Martin Lemieux qui est là pour donner des cours toute la saison. Le pamphlet, je ne l'ai pas sur moi, il aurait fallu que je le sache d'avance, mais on a déjà des choses de sortie pour les jeunes que Martin va pouvoir donner des cours privés. Je pense que ça coûte 100$ pour s'inscrire, puis 60$ pour, je pense, ces 4 cours privés aux jeunes. On est agressif beaucoup là-dessus. Puis n'importe quel jeune qui veut venir frapper des balles, le panier est 3$. Puis le sac, on peut le prêter, il n'y a pas de problème. Là. On est capable d'être bon là-dedans, il n'y aura pas de problème. OK. Le tournoi d'ouverture va se passer quand? Le tournoi d'ouverture va se passer le 8 juin. OK. Ça coûte 15$ pour jouer, que tu sois membre ou non membre, puis un souper le soir et une soirée d'ensemble après. OK, OK. Et évidemment, c'est une invitation qu'on fait à tout le monde. Ben, y a-t-il autre chose à ajouter pour cette semaine? Est-ce que cette semaine, j'imagine que ça commence, il n'y a pas vraiment de tournoi, c'est plus pour le fun cette semaine, c'est ça? C'est ça, c'est plus pour le fun, ça commence tranquillement, pas vite, comme je t'expliquais hier, tantôt. Il a mouillé hier, il a mouillé avant-hier, donc il n'y a pas eu gros de monde au club. C'est sûr. Sébastien, on va se parler tous les mercredis? Il n'y a pas de problème. Voilà, donc Sébastien Marceau, qui est le capitaine du club de golf de Dolboom-Sassigny.